À la foire, scène 1, au kiosque, objet trouvé. Mathieu est un enfant de 5 ans. Il arrive au kiosque, à l'entrée, et il parle à l'adulte qui est là. Excusez-moi, monsieur. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. Tu as besoin d'aide? Alors, qu'est-ce qui se passe, mon petit? Ma mère est perdue. Ta mère est perdue? Et toi, ce n'est pas toi qui es perdue? Non, c'est ma mère qui est perdue. Je suis ici. Bien sûr, tu as raison. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mathieu. Quel âge as-tu, Mathieu? J'ai 5 ans. Et comment s'appelle ta mère? Elle s'appelle Marie-France Corbeau. Alors, je vais faire une annonce. Attention tout le monde, il y a une maman qui est perdue. Elle s'appelle Marie-France Corbeau. Madame Corbeau, venez au kiosque à l'entrée, s'il vous plaît. Votre fils Mathieu est ici. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Madame Corbeau arrive en courant. Elle est très agitée. Mathieu! Mathieu, mon petit! Te voilà! J'avais tellement peur! Où étais-tu? Ne t'inquiète pas, maman. Tu es retrouvée. Ça va bien. Maintenant, reste à côté de moi, maman. On se tient la main. Ah, Mathieu! Merci beaucoup, monsieur. Mathieu, allons manger une crème glacée. Oui, s'il te plaît. J'en voudrais une au chocolat.